France Inter, franceinter.com. 11h05 sur Inter, Philippe Collin, bonjour, panique au Montfin Palace. Bonjour Clotilde Dumetz, merci beaucoup, on vous retrouve à midi, c'est parti Marco. Attention, message personnel, panique au Montfin Palace. Je répète, panique au Montfin Palace. Nous revoilà. Immense plaisir. C'est donc le retour en direct de la panique au Montfin Palace, épisode 127. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 7 septembre 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Montfin Palace, tu es le boss de la police corse limogée, ou un nouvel épisode de Shérif fais-moi peur. Tu es Sarah Palin ou Cruella dans les 101 Dalmatiens. Tu es l'instigateur du RSA ou un nouveau tour de passe-passe de Garcimore. Tu es l'université d'été de La Rochelle ou la 7e compagnie fait de la politique. Et tu es aussi Prends l'oseille et tire-toi ou... Vous avez compris que j'ai rien à foutre de cette histoire et donc j'ai pas envie d'en parler. Le Parlement veut savoir si les choses se sont passées normalement. C'est la moindre des choses. C'est un problème entre l'État et l'État qui se démerde. J'ai rien à foutre de leur histoire. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Désormais, tu décortiques les absurdités du monde qui t'entoure. Alors, durant l'été, le Montfin Palace a donc effectué quelques travaux de rénovation pour dorénavant organiser ici tous les dimanches matins un beau barnum burlesque autour des actualités du monde extérieur. Notre sacerdoce consiste à travestir la réalité afin de t'offrir autant que possible un diaporama sonore modeste et déjanté contre le triomphe de la morosité. Ainsi, durant 53 minutes, nous espérons partager avec toi notre sainte trinité, l'allégresse, l'extase potache et le Joda Saint-Esprit. Avant tout, laisse-nous te présenter la liturgie de notre petite cérémonie. Primo, de la Charente maritime à la conférence de Yalta, nous te proposerons une petite relecture frappadingue des actualités politiques. Ensuite, durant quelques minutes, nous constaterons combien la transformation de la Poste en société anonyme provoque de gros débats parmi les voix conservées à l'INA. Et puis, nous découvrirons comment Monique et Jean-Claude réagissent depuis l'annexion du sud de Grosboul-les-Bains par la commune limitrophe de Malingreville, dirigée par le redoutable maire tortionnaire, Monsieur Poutinier. Juste après, nous t'offrirons une nouvelle rubrique, un reportage Made in Panic consacré chaque semaine à ceux qui sont blindés de thunes, afin de lutter bien sûr contre l'esprit de la récession. Et enfin, peu avant midi, notre petit kiosque t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Montfin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sors-toi les doigts de l'actu. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un machista girl. Et je sais qu'elle m'adore. Said I pay my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you might trick me once, I won't let you trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. And you might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy. Quand il faut s'y faire, silencieux, soulagé de pouvoir se plaire un petit peu. Amoureux, si c'était hier, moi je veux souligner tout et son contraire pour tes yeux. Astucieux, toujours plus sans faire. Mieux que le monde nous laisse un peu d'air. Généreux, épineux, le choix du partenaire. Rose ou bleu, le choisir pour la vie entière. Pour une heure ou deux, le choisir pour la vie entière. Pour une heure ou deux. Je sais qu'elle m'adore. Pour une heure ou deux. Non, non, non, y'a pas de là. Oh, machista girl. Machista Dance, un mélange exubérant, n'est-ce pas? Signé DJ Zebra pour une ouverture en fanfare. Alors ce matin, nous amorçons cette quatrième saison de la Panique au Mangin Palace par un nouveau rendez-vous qui deviendra désormais hebdomadaire, à savoir un petit clip sonore frappadingue, réalisé en collaboration avec Yvan Beaujolais, un nouveau sacripant du Mangin Palace, avec qui nous revisiterons chaque dimanche les petites phrases de la semaine. Allez, en route maestro, voici pour toi l'infratexte des discours de ces derniers jours. Wazard ! Complicité des retrouvailles, sourires et décontractions. À La Rochelle, en cette fin d'été, c'est la saison des amours. Oserais-je vous dire malicieusement, ne le prenez pas au premier degré, comme Juliette Gréco nous le chante. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez. L'histoire retiendra peut-être que le prochain congrès du PS a commencé à se jouer dans un restaurant de La Rochelle. Entrée, plat, dessert, mais pas pour tout le monde. En principe, son couvert à lui aussi aurait dû être mis. Pierre Moscovici découvre en fait que ses propres alliés mangent désormais sans lui. T'es sûr que ça va ce soir? Tu t'éternises pas d'habitude. Tu prends un verre, quelques olives, un peu de bœuf en gelée, deux ou trois œufs durs et tu te sautes. Oh, j'ai pas trop envie de rentrer à la maison ce soir. Attention s'il vous plaît, tout le personnel continue à travailler pendant l'intervention qui va suivre. Et maintenant notre patron est ami. J'estime qu'il est normal, dans un effort de solidarité, que chacun contribue à sortir 3 millions de nos compatriotes de la pauvreté ou de l'exclusion. D'autant plus que c'est pas une allocation de plus, c'est le travail qu'on récompense. Mais il est aussi clair que le comportement de la Russie au cours des dernières semaines, avec sa réaction militaire disproportionnée et avec le maintien des troupes russes en territoire géorgien, a fait naître une profonde préoccupation en Europe et au-delà. Le retour des sphères d'influence n'est pas acceptable. Yalta, c'est fini. Bon allez, on se casse. Ouais. On va s'en jeter. Dans le secondaire, le changement de cette rentrée, c'est bien évidemment les profs en moins. 11 000 suppressions de postes cette année. Et à tout cela, eh bien, Xavier Darcos ajoute même de l'anglais, des heures sup au collège et des stages gratuits au lycée. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé hier soir sur TF1. Je veux que, à la fin de la scolarité obligatoire, les jeunes Français, comme les autres, soient bilingues. Et donc, je prends des mesures qui vont s'appliquer dès cette année. Lesson of English. D'abord au collège. Dans ces heures d'accompagnement éducatif, tous les soirs, il y aura de l'anglais de manière très soutenue. What is this? This is of the pitchet of the vin. A pitchet of wine, yes. But what sort of wine is this? That is the question. Et puis enfin et surtout, je proposerai pour les élèves de lycée des semaines de stage d'anglais oral intensif sur place. This is a pitchet of Côte d'Rhône. I say to you, B-R-A-V-O, bravo. Mais moi, je vous le dis, j'assume. Merci. Et un second mot, à demain. Merci et à demain. Ce sont donc les derniers mots de François Hollande dans son discours de clôture à l'université d'été du Parti Socialiste qui s'est tenu à La Rochelle le week-end dernier. Et oui, parce que, comme tous les ans, à la fin de l'été, les gentils Rochelais voient débarquer dans leur ville toute la grande famille socialiste. Voici venir les barbapapa, on fait les fous, dans la famille des barbapapa, ils avaient touché barbapapa, ils se transforment en volonté, court, long, carré, mince, gros, court, ils avaient touché barbapapa. Il y a barbapapa, barbamama, barbidou, barbouille, barbabelle et barbidure, barbotine et barbibule et barbalala. En effet, les socialistes, tels des barbapapa politiques, changent de forme selon les alliances. Il y a les barbamodem, les barbalangues ou encore les barbayoyo. Ainsi, lors de l'université d'été de La Rochelle, tous les ténors socialistes comptaient bien consolider leur position en vue du congrès de Reims en novembre prochain pour décider de l'orientation du parti. C'est pourquoi à La Rochelle, plus que la rénovation du parti, le mot d'ordre pour tous, c'était plutôt... Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde. Fusible dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Seulement voilà, la concurrence est rude en ce moment au Parti Socialiste pour rallier les bons copains. Certains réussissent mieux que d'autres en profitant sans doute de leur aura médiatique. C'est le cas de Bertrand Delanoë qui a su se rapprocher des Jospiniens et des Rocardiens. Cependant, les déclarations de Bertrand se disant libéral en ont déstabilisé plus d'un. Putain Bertrand t'es chiant, Bertrand t'es plus comme avant, tu passes tout ton temps devant la télévision. Ah bah ouais mais bon... Dallas, ton univers applique-toi. Diable. Ah bah ouais mais bon... Eh oui. Le Parti Socialiste à La Rochelle, c'est un peu le ranch de South Fork en Charente-Maritime. Ainsi, Bertrand Delanoë a réussi à s'allier de nouveaux amis et il a pu en conséquence se porter officiellement candidat au poste de premier secrétaire du parti pour succéder à François Hollande. Mais rien n'est gagné car de son côté, Martine Aubry a su, quant à elle, nouer les alliances avec Laurent Fabius. Nous ferons ce qui est interdit. Nous irons ensemble à la buvette. Nous fumerons la pipe en cachette. Nous nous gaverons de pâtisserie. Mais qu'allons nous faire de tous ces plaisirs? Il y en a tant sur terre. Voilà, ça c'est fait. Laurent Fabius et Martine Aubry sont à deux doigts de fusionner pour atteindre des territoires encore inconnus. La vie dans le monde des socialistes est ainsi faite de franches alliances et de rapprochements furtifs dont le corollaire est bien évidemment une succession de trahisons et de coups bas. Vas-y, fais voir. Arrête, je te dis, tu nous as même pas prévenu. Quoi? Je croyais que tu voulais pas entendre parler, toi. Mais parce que je te croyais pas aussi teubé pour le garder sur toi. Mais ça va, je suis un grand garçon, t'arrêtes de me faire la morale, toi, un peu, ou quoi? La morale, c'est quoi? Je vais te... Eh vas-y, arrête, putain, arrête. Putain, mais je vais te piquer, moi, vas-y, putain. Vas-y, vas-y, quoi, toi? Arrête, oh, vas-y, venez, on va manger un sandwich, là, qu'est-ce que tu fais, là? Ferme ta gueule, toi. Ah, c'est ça, casse-toi. Vas-y, arrête. Laisse-le partir. Arrête, putain, vas-y, arrête, vas-y, viens. Vas-y, lâche-moi. Eh oui, les tensions restent très palpables chez les socialistes, malgré la bonne entente de façade. D'ailleurs, bien des militants qui se sont rendus à La Rochelle ont été désappointés devant les divisions des vieux éléphants. Et les jeunes réformateurs n'ont trouvé qu'une seule explication au malaise au sein du Parti socialiste. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes rêvent sous les plombs, mais ce monde s'en fout, puisqu'on n'est que des pions contents d'être ingénieux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons. Devenir fou, c'est également un peu ce qu'ont ressenti les partisans de Ségolène Royal quand Lionel Jospin, très critique envers l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, a cherché à retrouver sa place au sein de la vieille maison. Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. On souffle. Puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Ah ben oui, hein. La politique, ce n'est pas le pays des bisounours. Alors face à de tels débordements parmi les dirigeants socialistes, François Hollande, le premier secrétaire du parti pour encore quelques temps, a lancé un vibrant appel pour qu'une vraie solution soit trouvée lors du congrès de Reims en novembre prochain. Barack Obama sanctionnera l'insécurité générale à l'échelle de La Rochelle. La victoire de Barack Obama ne sera pas simplement une bonne nouvelle pour l'ensemble du monde. Les socialistes français lui avaient accordé leur soutien. Donc nous ne dirons rien, mais nous ferons tout pour la victoire de Barack Obama au mois de novembre prochain. Et voilà, dans la famille des barbes à papa socialistes, François Hollande a trouvé la solution à tous ses problèmes. Faire de Barack Obama le premier secrétaire du Parti socialiste. Et oui, parce que François, il est au poste depuis 11 ans. Et maintenant, il a bien envie d'aller se reposer, comme l'avait fait son prédécesseur, Lionel Jospin, qui aujourd'hui, quand la nuit défile et que le monde s'endort, oublie depuis son île de Ré le bruit du dehors. Quand la nuit défile, que le monde s'endort, j'oublie depuis mon île le bruit du dehors, le bruit du dehors, le bruit du dehors, le bruit du dehors. J'arrête le temps qui passe entre mes paupières et un mes paupières et un instant, hélas, dure une année entière. Le bruit du dehors, c'est celui qu'entendent nos amis du Poney Express. Mais quels étaient les bruits du dehors cette semaine ? En Géorgie, les chenilles d'un char russe. En Louisiane, le souffle de Gustave. Et à Lourdes, on attend déjà Ben Sixteen. Alors, après les actualités politiques, découvrons dès à présent, à 11h25, une nouvelle rubrique intitulée « Le Bernard l'ermite ». Il s'agit d'une étrange chronique orchestrée par Flora Bernard. Planquée dans une boîte d'archives en guise de coquille, un Bernard l'ermite assiste au débat des voix du passé sur l'actualité lorsqu'il n'y a plus personne dans les sous-sols obscurs et silencieux de l'INA. Cette semaine, la prochaine transformation de La Poste en société anonyme semblait monopoliser tous les débats nocturnes. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Mardi dernier, au cœur de la nuit, il s'est produit quelque chose d'inconcevable à l'INA. Une querelle. Vers 3h du matin, je me suis réveillée dans un brouhaha infernal. Les voix parlaient toutes en même temps. Pour ou contre la privatisation de La Poste. Mobilisation syndicale unitaire. Référendum d'initiative populaire. Société anonyme. Je n'y comprenais rien. J'étais sur le point de me rendormir. Quand, soudain, une voix indignée s'est élevée au-dessus du vacarme. La chose est grave. Tragique. La corporation postale a sa réputation dont elle est fière à juste titre. Chez elle, la conscience professionnelle était vraiment une réalité. Elle était à base d'ardeur à la tâche, d'amour du travail bien fait et aussi d'honnêteté. Le ministre des PTT de 1945, Eugène Thomas, n'a pas eu le temps de finir son discours. Immédiatement, les partisans de la privatisation ont répliqué. Ils ont engagé Kirou et Roger Zabel, qui s'y connaissent, question sous. Toi qui t'y connais, question sous. T'as pas un bon tuyau pour profiter de la bourse ? Profiter, ça dépend pour qui ? Bah, pour moi, un placement qui irait à mon tempérament. Ton tempérament, il n'y a pas écrit La Poste ici ! Quelques rares individualités, chez nous, n'ont pas compris la gravité de l'heure. Des centaines de postiers sont morts les armes à la main. Le cas de ce facteur français mort en service commandé nous en fournit l'occasion. Ployant sous le poids des paquets de fin d'année, il eut un accident de bicyclette où il se fractura le crâne. Mais Père Noël oblige, il termina sa tournée pour tomber mort à l'arrivée. Ah bah pour une nouvelle ! C'est des bonnes nouvelles ! La Poste, on a tous à y gagner. Ainsi, le débat tournait mal. Vexés, les partisans du service public préparaient une réponse musclée. S'apprêtaient à prendre les armes. Alors, Jean-Paul Bailly, l'actuel président de La Poste, est intervenu pour calmer les esprits. Pour le public, à beaucoup d'égards, ça va pas changer énormément de choses. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Pour les missions de service public, cette évolution, je le redis, permettra de maintenir les missions de service public, voire de les conforter. Une privatisation qui favorise le service public. La confusion était générale. Profitant de la circonstance, ce farceur de Pierre Dac a pris la parole. Il a sorti de sa poche une lettre qui proposait un résumé loufoque de la situation. Modèle de lettre à envoyer pour s'excuser de ne pas écrire. Monsieur, madame, ou monsieur et madame, ou chère vieille gamelle de choses. Je viens, par la présente, m'excuser très sincèrement de l'impossibilité dans laquelle je me trouve présentement de vous écrire le moindre mot. Je ne peux trouver une minute de tranquillité pour remplir à votre intention la valeur d'une demi-page. De votre côté, s'il ne vous est pas possible de m'écrire, veuillez avoir l'obligeance de me le faire savoir au plus tôt et par lettre. Encore une fois, toutes mes excuses pour mon actuel silence et croyez à tout ce que vous voudrez croire. Postscriptum, il n'y en a pas. Post-scriptum, fondée sous Louis XI et structure essentielle du service public depuis des lustres, la Poste se dirige donc tout droit vers le monde merveilleux de l'économie libérale. On comprend aisément que cette privatisation sème la zone, même chez les fantômes de l'INA. Mais bon, passons dès à présent à notre colis suivant consacré au bulletin des actualités locales. Voici notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, à 11h31 en effet, il est temps de nous intéresser aux actualités qu'ont vécues ces derniers jours les deux correspondants permanents du Mangin Palace en province, à savoir les fantaisistes Monique et Jean-Claude, bien sûr. Avant tout, il faut savoir qu'il se passe des événements terribles sur le territoire de notre sympathique village Fleury. Tout a commencé le 7 août dernier vers 13h30. Un conseil municipal extraordinaire et secret fut convoqué à Malingreville, commune limitrophe mais surtout rivale de Grosboul-les-Bains. Le maire, M. Poutinier, un cruel autocrate du cru, prit alors la parole devant ses principaux conseillers. Nous avons encore gagné. J'en suis heureux. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie ? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Très bien. Oui, l'édile de Malingreville était excessivement remonté contre ses voisins de Grosboul-les-Bains. Aux dernières élections municipales, en mars dernier, le maire de Malingreville a triomphé avec un score de République bananière en promettant à ses électeurs qu'une fois élu, il récupérerait par la force, s'il le faut, le tronçon de l'Assette du Sud, une portion d'autoroute qui appartenait jusqu'à présent à Grosboul-les-Bains. Ainsi, profitant de la diversion que lui offrait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, M. Poutinier, le 8 août dernier, a donc décidé d'envoyer ses troupes à l'assaut du sud de Grosboul-les-Bains. Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. En quelques heures, les milices paramilitaires de Malingreville ont mis la main sur le tronçon autoroutier de l'Assette du Sud avant même que les citoyens de Grosboul-les-Bains n'aient pu bouger le moindre pouce. Ce fut très rapidement le chaos, notamment pour Jean-Claude et Monique qui passaient la soirée chez leur ami Bertrand qui lui crèche au bord de l'Assette du Sud. Bon sang, on peut pas rester là, merde, il va pas défoncer la porte vite fait. Non, il faut courir aux bagnoles. Il faut se frayer un passage, allez. Si on atteint la voiture, on peut s'en tirer, à mon avis. Ouais, bah sauf qu'on n'y est pas. Bert, je pourrais pas courir. J'ai mal aux pieds. Handicapé par ses soucis plantaires, le pauvre Jean-Claude fut vite cerné par les forces armées de Malingreville. C'est ainsi qu'au bord de l'Assette du Sud, Jean-Claude et Monique croisèrent un membre de la force d'occupation de Malingreville. Salut. Oh. Tiens, salut. Alors, qu'est-ce que de petits amuse-gueules comme vous font tout seul dehors à une heure pareille ? Rien de spécial, on n'est même pas dehors d'ailleurs. Génial ! Alors, qu'est-ce que vous diriez si je vous emmenais à une soirée que j'organise avec des amis à moi ? Quoi ? Une fête ? Oui, c'est exactement ça, une fête. Ça vous intéresse ? Moi, je suis très fête. On y va, c'est sympa. Ah, c'est très sympa, vraiment très très sympa, mais malheureusement... Ouais, non, c'est par là, j'insiste. Eh ben d'accord, c'est du moment que vous insistez, on part. Alors qu'il tentait de rejoindre le centre-ville de Grosboul afin de trouver refuge après l'invasion du tronçon de l'Assette du Sud, voilà que Monique et Jean-Claude se trouvèrent prisonniers des milices de M. Poutinier, le maire dictateur de Malingreville. Monique prit soudain conscience de la situation et devant ses ravisseurs, elle décida d'entamer un chant de résistance à la gloire d'un peuple lui aussi envahi par des troupes armées et sans scrupules. Georgie, Georgie, tu détiens un grand secret. Georgie, Georgie, celui du petit bracelet. Georgie gardera son secret pour tous ceux qui vont tant aimer. Non mais tu vas la boucler, lui rétorqua Jean-Claude. Tu ne vois pas qu'on a affaire à des brutes épaisses. De toute façon, c'est foutu. On ne récupérera jamais la portion de la Sète du Sud. Jean-Claude savait très bien que le refus de la communauté urbaine de l'Ouest au printemps dernier d'intégrer Grosboule en son sein avait été interprété par M. Poutinier comme un feu vert diplomatique pour annexer enfin la Sète du Sud. Dans la rue, l'humeur est sale, c'est rien, de la rue montent les rumeurs, ça va pas bien loin, et si les casques bleus calent, c'est rien, si c'est chaud sur l'asphalte, c'est rien, on passe tes barricades, on pète tes barrières, on a la barre, on déraisonne et on craint plus personne, toi t'appelles les renforts, la rage du renfort, sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne. Devant le désastre de cette situation et complètement esselé, le maire de Grosboule-les-Bains fit alors appel à celui que les gouvernements du monde entier réclament quand ils ne sont plus capables de trouver une solution à leurs problèmes. Seulement voilà, même le capitaine Flamme a dû baisser son froc devant le redoutable monsieur Poutinier, préférant ne même pas essayer de le raisonner. « Si, j'ai essayé, mais il m'a attrapé par le col, il m'a soulevé du sol et il m'a dit « Si toi pas soutenir moi, moi, quick, toi, il faut savoir être ferme et parfois savoir la fermer. Il devrait être content pour une fois qu'il reçoive des touristes. Personne n'y va tellement c'est moche. On devrait le féliciter, Poutine. » Abandonnés de tous, les gros boulets viennent de passer plusieurs semaines difficiles, victimes du harcèlement des troupes d'occupation de Malingreville. C'est pourquoi lundi dernier, comme une ultime supplique, Jean-Claude et son ami Bertrand ont tout de même décidé de tenter un coup. Afin de revendiquer leur désir que le tronçon de la Sète du Sud demeure sous la seule souveraineté de Grosboule-les-Bains, ils ont essayé de séquestrer la star locale dans sa propre baraque, un petit acteur certes, mais originaire de Malingreville. Ils vont où les deux, hein ? Jacqueline ? Où allez-vous avec ces messieurs ? Chiaf ! Oh, je ne connais pas ce type, je ne l'ai jamais vu de mon existence, alors je suis pas un bout. Oh, je ne suis pas un bonhomme, ni votre copain, ni votre frère, ni rien du tout, ne rêvez pas. Mais dehors, les Romano ! Mais ils ont foutu le feu, il y a de la suie partout. Oh, ça, vous allez me rembourser le pressing, c'est moi qui vous le dis, hein. Oh. Et vous, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez ma photo ? L'acteur local, un peu énervé, a immédiatement fait virer Jean-Claude et Bertrand, tous deux dépités et impuissants. Le tronçon de la Sète du Sud demeurera-t-il à jamais possession de Malingreville ? Nul ne le sait. Nous suivrons les rebondissements à venir. Seule certitude aujourd'hui, le sort du garde champêtre qui devait assurer la surveillance de la bicoque de cet acteur local. Vous avez fait ça. Comment peut-on être aussi responsable ? Qu'est-ce que vous imaginiez ? Que vous pourriez me berner ? Vous êtes viré ! Oui, le garde champêtre de Grosboule a donc été limogé. Et Malingreville envisage maintenant d'envahir la quasi-totalité de Grosboule-les-Bains. Fin de l'histoire. Depuis vendredi soir, devant ce danger imminent, Monique et Jean-Claude ont pour l'instant préféré fuir leur commune. Mais Monique ne sait pas trop où s'installer, ce qui exaspère Jean-Claude. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, caille, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. C'était Jacques Brel en balade à Vesoul il y a tout juste 40 ans, sans valse musette et sans accordéon, alors qu'en ce moment, à Royan, pour sa fiesta de rentrée, à l'UMP, c'est Patrick Devedjian qui fait sa musette et l'unité de façade qui est en accordéon. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, à 11h42, nous ouvrons une nouvelle rubrique et nous allons jeter un coup d'oreille sur un sujet brûlant de la rentrée, le pouvoir d'achat. Bonjour et bienvenue, Julia Dugast. Bonjour, professeur Colin, et j'ai envie de dire au diable la récession. Eh bien, c'est parfait. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'idée de cette chronique ? Vous emmener là où ça brille anormalement, vous faire découvrir la vie de certains nantis. Bref, faire du reportage au pays du bling au carré. Voici la raison de ma présence ici, monsieur Colin. C'est parfait, du bling bling. Donc, on va commencer par votre premier sujet, premier reportage, consacré à la rentrée scolaire, en route, maestro. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Aujourd'hui, nous allons jeter ensemble un coup d'œil sur les fournitures scolaires que proposent les grands magasins. Vous trouverez des cahiers pour les tout-petits à couverture ardoise, sur lesquels ils pourront griffonner à la craie. Ils coûtent 40 francs. Les couvertures des cahiers ordinaires sont cette année en matière plastique, de diverses couleurs et lavables, ce qui évite l'achat de protège-cahiers. Ah, les courses de rentrée. Tous les ans, c'est la même ritournelle. Il faut mettre la main au porte-monnaie pour équiper nos bambins. Je parle de ralentissement et pas de récession. En effet, l'année 2008 sera une année de croissance positive. Et pour ma part, je ne considère pas qu'il soit raisonnable de parler de récession. Si j'avais le pouvoir d'achat, je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Pas de récession, pas de récession. N'empêche, pour de nombreuses familles, dur dur de joindre les deux bouts en cette rentrée scolaire. Il faut souvent effectuer les derniers achats, les cartables, les vêtements, et tout cela coûte cher cette année encore. Il n'y a pas besoin de crayon pour faire l'addition. Vestiaire, 200 à 250 nouveaux francs. Et matériel scolaire, 35 nouveaux francs. Un budget moyen donc d'une trentaine de milliers de francs par enfant. Pour les livres scolaires, c'est un peu trop tôt. Nous savons seulement qu'il y a une baisse de 10% sur les prix de l'année dernière. Nous verrons cela en temps utile. Une chose est certaine, la rentrée sera une rentrée difficile. Ancien franc ou euro, les choses ont peu changé. La rentrée scolaire est toujours difficile pour les ménages. Je parle de ralentissement et pas de récession. Notre Premier ministre a raison. Ne sombrons pas dans la morosité. La rentrée peut être chic et fric. Trouver un stylo luxe à 300 euros, c'est français, monsieur. Et c'est beau. Un stylo, disons que ça tourne autour de 300 euros à peu près. Ça commence en fait en dessous de 200 euros. Hein. Ça commence à 180, ça peut aller jusqu'à 500 ou 600 euros. Vous voyez, disons que la moyenne, c'est autour de, disons, entre 250 et 300. Quoi. Et à ce prix-là, tu as le même stylo que notre président. Parce qu'en fait, il utilisait un stylo Montblanc, ça m'avait énervé. Ça m'avait offert un stylo Dupont à Nicolas Sarkozy, le président. Ouais. Et comme il l'a bien apprécié, en fait, on a pu devenir fournisseur de la République. Donc les ministres sont équipés de Dupont, de stylo Dupont. Et avec ton stylo présidentiel, il te faut un agenda de ministre. Le premier prix pour le petit modèle, c'est 225 euros. Et pour le grand, c'est 450. Donc c'est relativement en gamme, effectivement. Le plus chez Mulberry, évidemment, c'est le cuir, la qualité de nos cuirs. Ils sont épais. Donc au niveau de la patine, ce sont des produits qui vieillissent très très bien. Plus c'est vieux, plus c'est joli. Agenda, stylo, tu as déjà dépensé deux allocations de rentrée. Et maintenant, un beau cartable, il te faut acheter. Bah, des sacs. D'accord. Mais parce qu'on est au lycée, donc avoir un cartable, faut pas exagérer non plus. Ringard, le cartable ? Les jeunes filles de bonne famille choisissent le sac. De préférence, celui de Charlotte Gainsbourg. Les petites filles précieuses des grandes familles n'aiment pas du tout se lever tôt le matin. On va dire que le sac, c'est pour vraiment conclure toute notre tenue vestimentaire, pour qu'il aille avec. Et on va pas, par exemple, sortir avec une belle tenue vu qu'on prend soin de nous. Et finalement... amener un sac à spack ou un cartable, quoi. Donc c'est l'ensemble. Pauvre petite fille riche, toute seule. Et un bel ensemble, ça n'a pas de prix. 300 euros en moyenne pour ces sacs griffés que l'on s'arrache dans les collèges et lycées huppés. Les sacs à spack et les cartables, c'est beaucoup plus fragile que nos sacs Gérard Darrel ou Chloé. Cette année, pour la rentrée, le coût moyen de l'équipement d'un enfant entrant en 6e, papeterie, matériel scolaire et vêtements compris, et d'environ 190 euros. Merci Julien Dugast. 190 euros, c'est Bernardo qui va être content. Bon mais quoi alors, quoi, parle maintenant. Enfin Bernardo, tu es stone. Tu veux nager la brasse dans les plantes vertes. Vertes. Toutes vertes. Ta, bras, gaieté, toutes vertes. Of your zone of comfort and calm. It's time to be great, time to be strong. It's time to move. We are see what's going on around us. Time to clean up the mind, then the house, then the town, then the country, and then the world. So off he goes. There goes another one. Bless his soul. TV is starting to bore me. It's one time for your mind to look what's behind and then form your thoughts and then walk the walk. It's time to go for those who are gone already. See, they may have meant well, paved their way down to hell, but me, I'm not going down. Off he goes. There goes another one. Go. Another One, autrement dit un autre. C'est ce que commande le chanteur allemand Patrice sur son dernier album intitulé Free Patriation. Et il a bien raison, Patrice, de commander un autre flacon, car il est né en 79 à Cologne et surtout car il a épousé la sublime chanteuse germano-nigérienne Ayo, l'Ayo de Cologne, bien sûr. Alors tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, afin de poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de confier à Xavier Mauduit, mon complice de plume, une mission, celle de s'immerger dans la presse afin d'en dégager l'essentiel au cœur de ce flux d'informations incessant. Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Philippe Collin, bonjour à tous. Alors, Xavier Mauduit, pour apporter encore un peu plus de sérieux à cette émission, je vous ai demandé de vous intéresser un peu à Sarah Palin, la colistière de John McCain, le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine. Vous savez que cette femme se définit comme un pitbull avec du rouge à lèvres. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans la presse internationale sur cet étrange animal politique ? Alors, oui, effectivement, Philippe Collin, j'ai tout fait pour remplir au mieux ma mission. Et j'ai épluché la presse internationale. Vous savez que j'ai d'ailleurs trouvé un article... Attendez, laissez-moi le trouver. Voilà, ça va vous intéresser. C'est un article de l'hebdomadaire londonien Real People, du 28 août dernier, et qui raconte à la page 52 l'histoire incroyable de Kelly et Stephen, qui vivent avec un vrai kangourou dans leur lit depuis 8 mois. Oui, 8 mois, Philippe, vous vous rendez compte ? Et qui fait quoi dans ce lit ? Ah non, ça j'en sais rien, ça, bon, je peux vous dire. Bon. C'est de Sarah Palin dont j'aimerais que vous nous parliez, Xavier. Vous avez trouvé quoi dans la presse américaine sur les pitbulls à rouge à lèvres ? Eh bien, Philippe, je me suis précipité évidemment sur le meilleur journal de l'Ouest, mais ce n'est pas de pitbull dont on parle, mais de python. Mais c'est quoi votre journal de l'Ouest ? Le Los Angeles Times ou le San Francisco Chronicle ? Ah non, Philippe, pour moi, le plus grand journal de l'Ouest, c'est évidemment le Télégramme de Brest. Bon, et c'est quoi ces pitons bretons ? Eh bien... Figurez-vous qu'à Brest, Philippe, l'association de protection des animaux, l'Arche de Noé, a déclaré qu'elle a la conviction qu'un homme cherche des chatons gratuits pour les donner à manger à son piton. Mais Philippe, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'au même moment, à Tinténiac, c'est une petite commune d'Ille-et-Vilaine près de Rennes, un piton de 2 mètres a été capturé par les pompiers alors qu'il se planquait dans les locaux de la mairie. Philippe, je ne sais pas comment expliquer cette soudaine invasion de pitons en Bretagne. Moi non plus, je ne peux pas vous dire pourquoi il y a des pitons en Bretagne. En revanche, je sais très bien pourquoi on trouve des Monty Pitons en Grande-Bretagne. Enfin bref, au-delà des pitbulls, des kangourous et des serpents, je vous ai demandé, Xavier, d'étudier d'un œil différent la vie secrète des éléphants du Parti Socialiste. Du coup, Xavier, afin d'apporter un éclairage différent sur l'université d'été du Parti Socialiste, avez-vous trouvé quelques informations dans la presse quotidienne régionale relatant ce joyeux événement ? Oui, Philippe Collin. Effectivement, c'est dans un petit journal local intitulé « Le Cri de Toulouse » que j'ai trouvé un article très intéressant, un compte-rendu de la visite de 4 militants toulousains au Congrès socialiste. Ah, ça c'est très bien, très bien. Alors, que nous apprend ce journal toulousain, Monsieur Mauduit ? Écoutez, voici ce que dit l'article, ouvrez les guillemets. Si nous en croyons, le compte-rendu du Congrès, ce fut une belle pétaudière. Tout le monde parle à la fois, la moindre question provoque des discours enflammés. Philippe, un peu plus loin dans l'article, il écrit que certains camarades discoureurs accaparent la tribune et que cette réunion socialiste peut être même qualifiée de fumisterie. Vous vous rendez compte, Philippe ? De fumisterie. Oui, bon, d'accord, fumisterie, mais qu'est-ce qu'ils disent précisément sur François Hollande dans votre canard toulousain, là ? François Hollande, rien du tout. Comment ça, rien ? Vous voulez dire que dans un article sur le Congrès socialiste, il n'est pas question de François Hollande ? Non. Et ils disent quoi de Ségolène Royal ? Ah non, rien non plus, non. Non mais c'est quoi votre canard, là ? Écoutez Philippe, je vous l'ai déjà dit, ça s'appelle Le Cri de Toulouse. Et de quand ça date, ce truc ? Ça date du 28 octobre 1906. Non, mais ça va pas, Maudit, on a dit qu'on faisait un magazine d'actualité. Ouais, écoutez, c'est bon. Une belle pétaudière pour qualifier le Parti Socialiste, avouez que ça reste complètement d'actualité tout de même. Ouais, vous avez raison. Mais enfin, rendez-vous compte, 1906. Ça date un peu d'une toute autre époque, avec le président Falière à l'Elysée, par exemple. Alors, puisque vous parlez de l'Elysée, j'ai justement sous les yeux le numéro de septembre de Vanity Fair version UK, qui expose en couverture une sublime photo de Carla Bruni Sarkozy. Alors, Philippe Collin, j'ai survolé cet article sur papier glacé, et ce qui a retenu mon attention, ce sont deux petits détails. Bon, je passe le fait que le palais national de l'Elysée, la demeure du chef de l'État, serve de décor à des photos de mode. Je passe aussi sur la une de Vanity Fair qui titre « Liberté, égalité, nudité ». L'élégance au pouvoir et les ors de la République comme toile de fond du bling-bling, c'est la mode en ce moment. Oui. Non, Philippe, ce qui est intriguant, c'est ce que nous voyons sur une sublime photo. Carla est debout dans la salle des cartes de l'Élysée avec une cigarette allumée à la main. Bon, là, d'accord, loin de moi de reprocher à Carla de fumer dans les salles de l'Élysée. Vous le savez très bien, Philippe Collin, le fait d'être la femme de Nicolas Sarkozy doit sans doute faire qu'on a un peu plus des droits que les autres. Oui. En revanche, quelque chose ne va pas. Sur la photo de couverture, si Carla est élégamment vautrée sur un canapé de suite style Louis XV, elle a ses bottes posées sur le canapé. Oh, crois où là ? Le mobilier national ne peut pas accepter ça. Laissez tomber, c'est normal, c'est Vanity Fair, c'est glam, c'est rock. Mais ce serait pour la Gazette élyséenne de Paris Match, crois-moi, qu'elle ne mettrait pas ses bottes sur le canapé. Mais au passage, vu que vous avez lu Vanity Fair, c'est quoi la tendance des accessoires pour la rentrée, Xavier ? Alors, Philippe, ce n'est pas dans Vanity Fair que j'ai trouvé des informations sur les accessoires à la mode, mais dans le Canard Enchaîné de cette semaine. Tiens, tiens. Eh oui, en effet, à la rubrique Canardage, on apprend que dans la commune de Lagarde, ça se trouve près de Toulon, le maire avait prévu d'organiser une petite fête, genre reconstitution historique, mais pas médiévale, hein, trop banale ces choses-là. Non, c'était la Seconde Guerre mondiale qui était à l'honneur. Alors, bien sûr, formidable pour ressortir quelques vieux accessoires, pour participer au Sénète intitulé « Arrestation de résistants » ou bien « Distribution de tickets de rationnement », le tout avec la présence de la Gestapo entre 17h et 18h. Alors, je vous assure, Philippe, heureusement, cette fiesta n'a pas eu lieu. Mais franchement, j'ai une petite pensée pour les gens de cette commune, surtout pour ceux qui n'ont pas voté pour Monsieur Jean-Louis Masson, car à leur place, j'aurais sacrément les boules. Une sacrée faute de goût, presque autant qu'un pitbull avec du rouge à lèvres, dis donc. Oui, c'est sûr, grosse faute de goût. Restons groupés, merci à vous. Et à la semaine prochaine, monsieur Mauduit. Voilà, fin du 127e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, le maestro Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Yvan Beaujolais. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci beaucoup aussi à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Olivia Gesbert et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche et samedi à 11h en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il couine encore, ces salauds-là.